La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. Les travaux de notre invité concernent donc la corrosion de notre organisme et le vieillissement de nos cellules. Miroslav Radman est biologiste moléculaire et généticien et il étudie donc les possibilités de prolonger la vie en bonne santé tant qu'à faire en explorant les secrets de l'immortalité bactérienne. Chercheur aventurier, il publie aux éditions Humaine Science le code de l'immortalité. Miroslav Radman est mon invité dans un instant et il va bien sûr répondre à toutes vos questions sur ces sujets. Franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Héloïse Rambert, bonjour. Bonjour Mathieu. Aujourd'hui, Héloïse, à la une de la science, on va parler des conséquences du changement climatique sur les réserves d'eau souterraine. Oui, on pense peu aux nappes phréatiques quand on réfléchit aux effets du changement climatique, et pourtant on devrait parce qu'elles sont en danger. Et puis dans la dernière partie de l'émission, nous retrouvons le rendez-vous science grand format de France 5, consacré ce soir aux étonnantes lignes de Nazca au Pérou, qui sont visibles depuis le ciel. Fanny Boyon réalise cette émission préparée par Lucie Sarfati. La tête au carré. Le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. Bonjour Miroslav Radman. Bonjour. Bienvenue, vous publiez chez Humaine Science le code de l'immortalité qui raconte à la fois votre parcours de chercheur iconoclaste, mais également vos travaux sur le processus de vieillissement. C'est l'étude des bactéries qui pourrait donner maintenant les clés justement pour lutter efficacement contre les effets délétères du vieillissement. L'étude de toutes les cellules ou organismes qui sont particulièrement robustes, soit face à un stress à la vie tel que radiation, oui, soit face au temps. Mm-hmm. Donc il y a la radiorésistance face aux radiations et chronorésistance au temps, qui est la longévité. Ouais. L'oxydation justement des cellules, ça c'est vraiment aussi la clé de compréhension pour essayer de lutter contre les effets du vieillissement aujourd'hui. On a trouvé depuis maintenant une douzaine d'années toutes les corrélations avec l'état des protéines. Ça veut dire que les protéines sont les molécules qui font tout le travail de la vie, tout. Elles sont fragiles. Ils sont pas facilement réparables parce qu'ils n'ont pas deux brins, deux copies comme l'ADN là. Et donc quand une protéine est amochée par corrosion, oui, il faut la jeter dans la poubelle, broyer, récupérer ce qui est récupérable et refaire la nouvelle. Ce n'est pas avec l'ADN. L'ADN on répare localement le petit défaut, et on le garde. Ici, toute la machine va à la casse, oui, et il faut la resynthétiser et maintenir en état de fonctionnement. Et donc, on a trouvé la corrélation quantitative avec le niveau des dégâts chimiques, oxydatifs, essentiellement oxydatifs, des protéines, et la robustesse des cellules jusqu'à la mort des cellules. Donc avant la mort, mortalité, il y a la morbidité, où on est vivant mais on n'est pas en très bonne forme, et ça s'appelle les phénotypes, donc différents défauts. Donc l'étude de tout ça, je peux le résumer que quand on augmente ou on diminue le niveau d'oxydation, parce qu'on peut le faire, on a les conséquences immédiates sur la vitalité des cellules. Voilà. Alors Miroslav Radman, justement, on a quand même le sentiment que beaucoup de promesses sont faites dans ce domaine du vieillissement, et pourtant on a encore du mal à voir les applications sur l'homme concrètes. On en est où réellement aujourd'hui alors? Il faut le dire qu'on est loin. On était à la recherche de la cause, parce que il y a un demi-siècle au moins de la recherche, des efforts de la recherche inégalés dans l'histoire de l'humanité, qui est la recherche sur le cancer et toutes les maladies dégénératives qui nous tuent, qui sont 90% de la cause de mortalité en France aujourd'hui. Et à mon avis, ce qu'on a fait, on a étudié en détail les conséquences des maladies. Une fois que la maladie est là, la conséquence, parfois la conséquence des conséquences des conséquences, et ça apparaît extrêmement compliqué, un peu comme l'avalanche. Si vous ne voyez pas au début, mais regardez la casse plus tard, il est très difficile de se rendre compte qu'est-ce qui s'est passé là-haut. Et nous avons fait l'effort consciencieux d'essayer d'aller à la racine de la cause. Oui. Et on a conclu que cette racine de la cause, c'est le dégât aux protéines. La diversité des conséquences, ça c'est tellement compliqué que nous on l'étudie pas. Allez, on va aller à la source justement avec vous. Cette source bactérienne, entre autres, pour essayer d'identifier ce code de l'immortalité, c'est l'objet de ce livre. Miroslav Radman, vous êtes notre invité dans La Tête au Carré. Voici, vue du ciel, la trace laissée par l'immense coulée de boue qui a déferlé depuis les champs sur ces habitations. Conséquence d'un violent orage qui a éclaté hier soir, il était alors 23h. Voilà, l'eau est montée à plus d'un mètre du sol, on voit au niveau de la maison. Et a tout emporté sur son passage, même les murs de pierre. Ce chalet en bois a été charrié sur plus de 30 mètres par les flots. Un extrait du journal de France 3 le 1er juin dernier, suite à des pluies torrentielles dans le nord et l'est de la France, Héloïse Rambert, pour parler donc de leurs conséquences sur les eaux souterraines. Oui Mathieu, les pluies torrentielles comme celles-ci sont liées au réchauffement climatique. Alors quand on parle de l'impact de ce réchauffement, on pense tout de suite à ces précipitations, aux glaciers qui fondent, au niveau de la mer qui monte, on en parle très souvent. Beaucoup moins aux effets sur l'eau que l'on ne voit pas, celle qui est sous terre, sous nos pieds. Pourtant, selon une étude publiée dans la revue Nature, les nappes phréatiques pourraient elles aussi souffrir considérablement dans le siècle à venir. Philippe Vigouroux est avec nous au téléphone pour nous expliquer ces phénomènes. Bonjour. Bonjour. Vous êtes hydrologue au BRGM, c'est le Bureau de Recherche Géologique et Minière. Alors, est-ce que, pour commencer, vous pouvez nous rappeler ce qu'est une nappe phréatique et le rôle qu'elle joue dans le cycle de l'eau sur Terre ? Alors, disons que les eaux qui tombent sur notre sol ruissellent pour partie et s'infiltrent pour partie, et les eaux qui s'infiltrent, en fait, vont rejoindre le sous-sol et constituer les aquifères, les nappes d'eau souterraines, comme on les appelle, et donc vont constituer d'énormes réserves d'eau, en fait, potable. Et cette eau souterraine, on s'en sert concrètement, on l'exploite, on en a besoin? Alors cette eau souterraine, elle est exploitée pour de multiples usages, pour des usages agricoles, pour des usages pour l'eau potable, et puis également pour des usages industriels. Et en tout état de cause, elle permet dans de nombreuses situations de compléter l'alimentation qu'on peut avoir à partir des rivières et ou de barrages par exemple. Alors on peut se demander en quoi le changement climatique a un impact sur ces nappes phréatiques, parce que c'est vrai qu'on pense que s'il pleut beaucoup, c'est tout bon pour les réserves d'eau souterraine, mais c'est plus compliqué que ça en fait. Alors c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, dans la mesure où si les précipitations sont très intenses et de courte durée, en fait on a une grande partie de l'eau qui va ruisseler plutôt que s'infiltrer, et donc les pluies deviennent de plus en plus efficaces quand elles sont relativement de faible intensité et sur une longue durée. Si bien que si on a des modifications au niveau du changement climatique avec des épisodes pluvieux intenses et de courte durée, on aura une recharge, c'est-à-dire une infiltration de ces eaux de pluie qui sera plus faible au niveau des eaux souterraines. Et en conséquence, on risque d'avoir en fait progressivement jusqu'à un déficit de réalimentation des nappes et derrière, bien sûr, une possibilité plus réduite de pouvoir répondre à des besoins d'utilisation de ces eaux souterraines. Et ces nappes phréatiques qui se rechargent mal, ça a des effets environnementaux par ricochet. Qu'est-ce qu'il faut craindre ? Alors, disons que si les nappes souterraines ne sont pas bien réalimentées, on aura par exemple une réduction de la réalimentation des nappes vers les rivières en période de faible précipitation, et donc une tendance à avoir des zones humides, par exemple, qui vont diminuer, et donc on aura des conséquences environnementales qui peuvent ne pas être réduites. C'est pour ça qu'il faut qu'on arrive à maintenir un niveau de recharge des eaux souterraines important, et que c'est un niveau d'équilibre important pour l'ensemble de cette biodiversité. Alors Philippe Vigoureux, juste un coup d'œil sur l'état des lieux de nos nappes phréatiques là en France, qu'est-ce que ça peut donner en quelques mots ? Alors pour, disons que il faut voir à quelle échelle on veut raisonner. Si on raisonne à l'échelle du mois ou de l'année, pour l'instant on est en période hivernale de recharge des nappes, donc on a une période qui s'étend de septembre à mars pour la recharge des nappes. Actuellement, les nappes sont en cours de recharge, il pleut, il neige, bon voilà, tout se passe bien, et on fera le bilan en fait au 1er avril pour voir si on a eu une recharge suffisante pendant cette période hivernale. Et à plus long terme, parce que nous aussi on est concernés par ce réchauffement climatique, est-ce qu'il faut craindre des conséquences graves, ou est-ce qu'on est en train de s'adapter aux problèmes qui risquent d'arriver ? Alors je crois qu'il ne faut pas craindre de conséquences graves si on anticipe sur la façon dont on utilise ces eaux souterraines, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre nos systèmes et éviter en tout état de cause qu'on ait une surexploitation de nos gisements d'eau souterraine, de façon à avoir un équilibre entre cette recharge qui, on l'a compris, est importante, et l'exploitation qu'on en fait pour répondre à des besoins. Et rapidement, est-ce qu'en France il faut imaginer un futur où on ne pourra pas utiliser l'eau comme on le fait aujourd'hui ? Alors pour l'instant on peut pas dire cela. Après on travaille sur des scénarios de changement climatique avec des variations d'intensité de la pluviométrie, et donc on essaye de prendre en compte ces données pour anticiper justement sur la façon d'exploiter ces eaux souterraines. Et je crois que bon, en France et dans les zones tempérées, on a encore des recharges qui sont importantes parce qu'on a des pluviométries qui sont importantes, mais il faut pas négliger effectivement le rôle de ces eaux souterraines. Merci beaucoup Philippe Bigourou, hydrogéologue au BRGM, donc le Bureau de Recherche Géologique et Minière. Et puis Louise, on se dit à demain. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, le rêve du coton lunaire qui a tourné court, on en parlait la semaine dernière. Souvenez-vous, des scientifiques chinois avaient réussi à faire germer une graine de coton sur la face cachée de la Lune. Cette graine était partie avec la sonde Chang'e 4 et la photo de la petite pousse qu'elle avait produite avait fait la une des médias du monde entier. Eh bien, l'expérience semblait prometteuse, mais elle a donc fait long feu. La biosphère miniature qui contenait aussi d'autres graines aurait été victime d'un coup de chaud suivi d'un froid glacial fatal à la plante. On en sait plus sur l'organisation du travail des fourmis grâce à une étude qui vient de paraître. Les scientifiques ont observé des fourmis coupe-feuilles sud-américaines in situ et en laboratoire, puis ont modélisé leurs actions. Ils ont découvert qu'elles travaillaient ensemble et venaient à bout de travaux titanesques sans recevoir de consignes et sans échanger la moindre information entre elles. Cette découverte a beaucoup étonné les scientifiques, car les fourmis sont connues pour être des insectes sociaux, détenteurs d'une véritable intelligence collective. Et puis les Français aiment tous les chiens, mais ils ont leur chouchou. La Société Centrale Canine nous apprend que le berger australien est devenu le chien de race préféré des Français. Cette race, qui est en fait américaine, est celle qui a enregistré le plus de naissances sur le territoire en 2018, avec presque 13 000 inscriptions. Le berger australien repousse le berger belge et le Staffordshire Bull Terrier sur la deuxième et troisième place du classement. Coup dur, en revanche, pour le berger allemand, qui se retrouve au pied du podium pour la première fois depuis des années. Allez, le code de l'immortalité, ouais. Miroslav Radman, dans un instant. Oh, she's my girl. Oh, she loves to fight, but she's never been loved. She's never been loved. She, c'était The Blaze. Au plus profond de nous-mêmes, nous savons et nous ressentons que nous sommes éternels, que l'usure du corps, la maladie, les rides, la décrépitude, ce ne sont que des accidents. Je viens vous offrir la vie éternelle. La tête au carré. Voilà, extrait de La possibilité du Nil, adapté bien sûr du livre de Michel Houellebecq en 2007. Et Miroslav Radman, notre invité, biologiste moléculaire généticien, vous dirigez donc l'Institut méditerranéen des sciences de la vie. C'est à Split, en Croatie. C'est un endroit qu'on aimerait bien visiter d'ailleurs. Ça a l'air d'être tout à fait attractif. Je vous invite. Merci beaucoup. Et puis vous êtes professeur émérite à Paris Descartes et membre de l'Académie des sciences. Et donc vous publiez ce livre, Le code de l'immortalité, aux éditions Humaine Science, avec les auditeurs qui nous rejoignent déjà avec des questions pour parler donc longévité et vieillissement en bonne santé, parce que ça c'est quelque chose qui est absolument essentiel dans cette discussion, c'est que tant qu'à vieillir, autant vieillir en bonne santé. La décrépitude n'intéresse personne. C'est presque un petit peu un problème civilisationnel aujourd'hui. On arrive à vivre très très longtemps, mais avec un cortège de maladies très très nombreuses, qui fait que finalement on ne profite pas non plus de cet allongement de la vie. Il faut vivre comme les centenaires et super centenaires. La majorité à 90 ans ne prennent aucun médicament. Ils vieillissent, ils sont pas jeunes, ils courent pas, ils sautent pas beaucoup, mais ils ne sont pas malades. Et donc, au moins pour le travail intellectuel, c'est impeccable. Est-ce qu'il y en a beaucoup des super centenaires dans les îles de la Croatie, par exemple? Pas particulièrement. Pas autant que Sardaigne, Crète et surtout Okinawa. Oui, absolument. Donc c'est bizarre que sur cette île âpre, sec, où la vie est difficile, qu'il y a le plus de centenaires. Peut-être, Mathieu, parce que il y a la continuité de cette population. Il y a des gens qui partent de cette île, mais il y a peu qui viennent, parce que la vie est tellement dure. Et ça veut dire que cette population a eu le temps de s'adapter, mais avec la payée par la monnaie darwinienne, ça veut dire que tous ceux qui ne pouvaient pas bien vivre et se reproduire, ils sont morts, ils sont plus là. Donc il y a la sélection qui est là. Et il y avait peu de gens qui sont venus tout frais pour avoir le problème d'adaptation. Donc c'est un exemple, je crois, de l'adaptation par sélection biologique sur place. Et du coup, pour eux, ces conditions sont optimales. De les envoyer en Suisse ou en France, ici, peut-être ils vivraient moins bien. Il faut, l'évolution, c'est vraiment la clé de la vie. Et c'est il faut penser, disons, aux bactéries hyperthermophiles. Elles se sont adaptées dans l'eau bouillante. Donc, et du coup, l'eau bouillante est normale. C'est ça. Saine, normale pour ces bactéries. 20 degrés ici, elles sont congelées. Oui, c'est ça. Et donc, ces populations sur cette île isolée, ils ont eu le temps, autant qu'il n'y avait pas beaucoup qui venaient, partir ils pouvaient, autant qu'il n'y avait pas de nouveaux venus, ils ont eu le temps de s'adapter biologiquement, de payer le prix, de la fertilité par la vie de mourir avant de se reproduire, et donc du coup on a une population très vieille de continuité génétique qui s'est adaptée à ces conditions là elles sont devenues d'excellentes conditions de la vie, même si pour nous, ça serait dur. Alors, justement, ces super centenaires, ces personnes qui sont capables, justement, de vivre pendant très longtemps, est-ce que c'est une question cellulaire, finalement, une question de leurs protéines dans les cellules qui ferait la différence pour expliquer leur longévité ou pas? Personne ne sait vraiment à 100% de quoi il s'agit. Mais, moi, je propose, parce que c'est logique, que, il y a une cause commune de toutes les maladies liées au vieillissement. Et après, dans les personnes particulières, ça se branche chez quelqu'un, ce sera diabète. Il y a une terrible inégalité. Une crise cardiaque, etc. Mais que la cause est commune, et que ça soit l'oxydation des protéines. Et ça veut dire que si on diminue la cause commune, on agit sur toutes les maladies. 200-300 maladies en même temps. Et s'ils étaient séparés, ça serait quasi impossible statistiquement de ramasser 200-300 résistances génétiques. Mm-hmm. Mais s'il y a la cause commune, alors si on la diminue, on diminue le risque de toutes les maladies. Mm-hmm. Est-ce qui est bien chez les centenaires et supercentenaires que presque jamais ils passent des années de maladies ou décrépitude, ils vivent bien 100, 105, 106 ans, et puis, assez rapidement, ils s'éteignent. Ouais. Ça, c'est le rêve absolu, finalement, hein, c'est de pouvoir profiter la vie dans ces conditions-là. C'est ça, voilà. Hein. Bon, malheureusement, centenaires, sont humaines comme vous et moi, et je crois qu'on a le droit, vous et moi, aussi de devenir comme ces personnes, frères et sœurs, voilà. De bonne santé, et voilà. Évidemment. Alors, ce que vous expliquez, c'est que finalement, oui, il y a un dénominateur commun à tout cela. C'est-à-dire que finalement, ce mécanisme moléculaire, il fonctionnerait à peu près chez tout le monde de la même manière, avec donc des inégalités. Mmh. Et vous dites qu'aujourd'hui, il faut essayer de trouver la clé, et qu'elle doit être simple, finalement. C'est-à-dire que ce mécanisme, il doit être simple dans son fonctionnement même. L'oxydation des protéines dépend de deux choses. De la source d'oxydation, de ces radicaux libres, de ces petits produits chimiques extrêmement agressifs et instables. Et encore plus, de la résistance intrinsèque, constitutive de chaque protéine à l'oxydation. Il y a les protéines qui sont quasi inoxydables. Mm-hmm. Il y a de ceux qui sont sensibles. La majorité, c'est l'évolution, encore une fois. 3 milliards d'années depuis que on carbure avec l'oxygène et sucre, et on produit des radicaux. Et donc, la sélection naturelle a fait son travail, que la majorité de nos protéines sont quasi inoxydables, et ça nous permet de vivre 100 ans. Mais il suffit, personne n'a tous les protéines parfaites. Les meilleures protéines de l'humanité, personne n'a ramassé chacune des meilleures protéines de l'humanité est devenue, je sais pas, Jean Calment. Mais nous sommes polymorphes, nous avons des différences qu'on croyait seulement académiques, hein, pour qu'on ne soit pas des clones. Mais en effet, ces différences, ça sont des mutations appelées silencieuses qui changent un tout petit peu la structure de la protéine. Pas pour amocher la fonction de la protéine, mais pour la rendre sensible à l'oxydation. Et là, nous sommes tous différents. Oui. Avec tous les facteurs qui nous entourent et qui influencent, sauf justement. Sauf que maintenant, c'est analysable. Oui. On peut, en principe, bientôt, je pourrais voir tous mes protéines. On pourra faire une carte d'identité, c'est voilà, j'en ai 5 protéines qui sont plus oxydables que chez mes voisins. Remplacez-les-moi. Remplacez-les-moi, on pourrait dire ça, ou plutôt que de remplacer, ça veut dire on devait changer l'ADN dans chaque gène, il est beaucoup plus facile, et les bactéries et autres cellules robustes l'ont fait, c'est d'utiliser les petites molécules qui se collent à ces protéines mal formées, qui s'appellent les chaperones, okay, et qui sont en même temps antioxydants, donc d'envoyer une aide médicale à cette fragiles protéines. Pour les rendre moins sensibles à l'oxydation. De cette façon, ce qu'on appelle le maillon faible deviendrait le maillon renforcé. Ouais. Bon, ça c'est le rêve. Hein. Ça c'est le rêve. C'est le rêve. Et c'est un projet réel. Parce qu'on peut voir ce que je viens de dire. Vous travaillez déjà là-dessus et vous l'observez justement dans votre laboratoire. En 1989, Miroslav Radman, vous écrivez dans votre ouvrage, Le Code de l'immortalité, deux murs sont tombés. Le mur de Berlin sous l'œil des caméras et le mur génétique, le mur entre les espèces. Plus discrètement d'ailleurs, ça s'est passé dans votre laboratoire de Jussieu. On va écouter la suite dans la voix de Christine O'Crane qui présentait le journal de Antenne 2 à l'époque, donc en 1989. Ah, merci. C'est une immense découverte qui ne laissera pas de multiplier les questions éthiques, mais c'est aussi une découverte qui fait indéniablement progresser la connaissance de l'origine de la vie. À l'Institut Jacques Monod à Paris, une équipe de chercheurs a réussi à créer en laboratoire une nouvelle espèce vivante, un hybride entre deux bactéries qui ont donc été mélangées. Ces petites taches en rouge, c'est la création en laboratoire d'une nouvelle espèce de bactérie. Jusque-là, on ne savait qu'une chose, que c'est à partir d'un ancêtre commun que les espèces se mettent à diverger. Mais pourquoi, une fois séparées, les espèces vivantes ne peuvent plus se mélanger ? Là, il y avait un mystère. Aujourd'hui, grâce à la découverte de ces deux chercheurs, Miroslav Radman et Christiane Ressiguier, on comprend tout. Il y a, dans la partie cachée des chromosomes, un groupe de quatre enzymes appelées MUT. Ce sont eux les gardiens de l'espèce. S'ils n'étaient pas là, tous les croisements seraient possibles. On peut imaginer dans le futur les façons à inhiber ce processus d'une façon transitoire et éviter la mort cellulaire. Oui, c'est imaginable. Donc créer de nouvelles espèces. Donc créer de nouvelles espèces. Miroslav Radman, c'était vous, hein, en 1989. Alors, ça fait un bruit terrible, ça. Tout le monde en a parlé, hein, dans le monde entier. Oui, New York Times, c'est plus que 1000. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est un peu compliqué. Oui. Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans ce qu'on vient d'entendre? La barrière génétique, c'est ça, est tout d'un coup été franchie? Là, Mathieu, la définition de l'espèce biologique, c'est que deux partenaires dans la reproduction sont des différentes espèces si suite à l'acte sexuel, il peut être entre les deux bactéries aussi, un transfert d'ADN, soit il n'y a pas de descendance, soit la descendance est stérile, comme le mulet. Okay? Donc, ça veut dire que ces deux individus ou deux espèces sont définies comme deux différentes espèces parce que elles vont pas échanger les gènes. Ils vont pas donner ou recevoir des gènes de l'autre. Alors, si c'est impossible de recevoir les gènes ou de donner les gènes aux autres, ça veut dire qu'on a différentes espèces. Et nous avons simplement inactivé une protéine et maintenant, il y avait la promiscuité génétique entre espèces. Oui, c'est ça. Ouais. Il y avait un mur. Hein. Et voilà. Et chaque bactérie, ce qu'on appelait Salmonella et Escherichia, Salmorichia, a été en différentes mosaïques des deux bactéries qui sont très diversifiées depuis 100 millions d'années. Chaque cinquième lettre dans l'ADN est différent. Et donc, on a créé de milliers de différentes, disons, espèces nouvelles, formellement parlant, parce que ils étaient des mosaïques de deux espèces très différentes. 100 millions d'années, ça veut dire, c'est le début d'évolution des mammifères. Et depuis que ces deux bactéries ont divergé. Et donc, ça a été assez spectaculaire. Donc, il y a un croisement. Les gens avaient peur. Voilà, ça. Mais vous avez foutu la trouille à tout le monde, hein, quand même, à l'époque. Voilà. Or, je le disais, il suffit de prendre n'importe quelle culture de bactéries, incluant ceux qui poussent dans nous. Une sur 100 000 est déjà mutante qui peut échanger les gènes. Donc, on n'a pas créé quelque chose qui n'existe pas dans la nature, on a simplement compris les choses qui existent dans la nature. Miroslav Radman, notre invité cet après-midi dans La Tête au Carré, et les messages pour parler de vieillissement et de longévité. Les auditeurs nous rejoignent sur franceinter.fr. On se retrouve après Aurel San. La fête est finie. Un jour tu trouves la vodka Red Bull dégueulasse. La musique est trop forte, tu connais aucun son qui passe. Un jour tu réalises enfin un tes fantasmes, mais tu ressens comme un vide parce qu'en fait t'as trouvé ça naze. Un jour tu t'écrases et t'atterris dans la vraie vie. T'es plus vieux que ton père sur des photos de quand t'étais petit. Un jour tu te sens perdu dans les fêtes de famille. Leurs portables sont pleins de photos de gosses, toi t'as que des photos de gamines. Quand y'a plus d'alcool sur le sol que dans les verres, c'est qu'il est l'heure de rentrer. Quand y'a plus de musique et t'es tout seul sur la piste, il faut que t'arrêtes de danser. La fête est finie. La fête est finie. Un jour tu demandes demande qui c'est ce gros porc dans la glace. C'est pourquoi tu t'essouffles alors que t'as monté trois mâts à arche. Un jour ton pote traîne qu'avec ses collègues de ta AAF. Pourtant c'est le genre de connard que vous détestiez en classe. Un jour tu te rends compte que personne n'écoute tes histoires. T'étais un jeune cool, maintenant t'es plus qu'un oncle bizarre. Un jour t'as beaucoup plus de remords que désir. Et t'as passé trois mois de stress pour 30 minutes de plaisir. Quand y'a plus d'alcool sur le sol que dans les verres, c'est qu'il est l'heure de rentrer. Quand y'a plus de musique et t'es tout seul sur la piste, il faut que t'arrêtes de danser. La t'es censé changer des choses. Depuis quand les choses nous ont changé? On était censé rien faire comme les autres. Est-ce que tout le monde mentait? On était censé changer des choses. Depuis quand les choses nous ont changé? On était censé rien faire comme les autres. Est-ce que tout le monde mentait? La fête est finie, Orelsan. La tête au carré. On est génétiquement modifié pour cesser de vieillir à l'âge de 25 ans. L'ennui, c'est qu'il ne nous reste ensuite plus qu'un an à vivre. À moins de pouvoir gagner plus de temps. Le temps est devenu l'unité monétaire. Vous avez quel âge? En temps réel, bien sûr. 28 ans. Et moi, 105. À la bonne heure. Mais il arrive un moment où on sature. Où l'esprit finit par s'épuiser même si le corps reste vaillant. Et la mort est une délivrance. C'est ça votre problème? Vous vivez trop longtemps? Pour quelques immortels, beaucoup doivent mourir. Ça veut dire quoi? Expliquez-moi. Où est-ce qu'on nous mettrait si tout le monde vivait éternellement? Le coût de la vie ne cesse d'augmenter pour que les gens continuent de mourir. Sinon, comment aurait-on 1 million d'années alors que la majorité vit au jour le jour? Voilà, c'est le film Time Out, où il est question justement d'immortalité pour discuter avec notre invité Miroslav Radman. Bah, c'est pas très marrant d'être immortel finalement, d'après ce que nous dit ce film, parce que finalement, le corps a beau rester en bon état, l'esprit, lui, se dégrade, vieillit, et on a marre au bout d'un moment. Donc immortel, c'est pas vraiment la sinécure, quoi. Hein. On sait bien, Mathieu, que l'immortalité, c'est un terme poétique ou mythique, mais qui veut dire pour nous, pour moi, prolonger longévité. Un peu. Voilà, longévité. Nous sommes pour le petit ver qui vit 2-3 semaines, nous sommes immortels. Et on sait bien que être immortel, ça veut dire ne pas mourir. La seule façon de ne pas mourir, c'est de ne pas naître. Oui. Et c'est, voilà. Donc c'est certainement le jeu de mots. C'est vraiment Il y a une question de Patrice, justement, sur le site de l'émission, qui dit « Si la recherche médicale est une vieillesse en bonne santé, et c'est évidemment souhaitable, la recherche de l'immortalité correspond à une vision stupide et à court terme, à court vue de l'humanité. Comment concevoir des centaines de milliards d'humains sur une même planète à bout de souffle ?» Ouais. C'est pas ça le projet, quand même. Ce n'est pas ça le projet. Vous n'êtes pas transhumaniste, voilà, Miroslav Radman. Oui. Non, pas du tout. Voilà. Je suis pas transhumaniste. C'est seulement si... seulement ce que je dis, en n'étant pas transhumaniste, que le vieillissement biologique est un vandalisme culturel, parce que je pense que c'est vrai. Il y a la demande, sur notre temps, augmente. 30 ans, de vivre 30 ans, c'est suffisant pour se reproduire biologiquement. Mais si c'était le cas, nos chirurgiens, nos pilotes d'avion, nos chercheurs n'auraient pas le temps de travailler parce que ils ont besoin jusqu'à 30 ans pour apprendre les métiers. Les métiers évoluent, on a besoin encore davantage. Mm-hmm. Et donc, c'est dans ce sens-là. Si c'était stupide de vivre plus longtemps, alors est-ce que ça veut dire que c'est malin de vivre moins longtemps? Est-ce qu'on serait d'accord ou de considérer que on est juste maintenant à l'optimum de la longévité. Oui. L'optimum, ça dépend à qu'est-ce qu'on s'attend de la vie. Si on sert à l'évolution culturelle, qui d'ailleurs décide sur notre survie biologique beaucoup plus que nos muscles aujourd'hui, alors il nous faut du temps fonctionnel. Oui, fonctionnel, c'est ça. À travailler, oui. Avec l'accumulation de l'expérience personnelle et des savoir-faire le plus possible. L'autre problème, qui n'est pas du tout problème de biologie, de la science, c'est évidemment le contrôle de la population humaine sur Terre. On sait bien que si on était seulement 1 milliard, on ne parlerait pas autant des problèmes écologiques. Mm-hmm. Si on était 20 milliards, on parlerait beaucoup plus. Oui. Mais ça, ce n'est pas à la biologie à décider, certainement. Alors, Thierry, sur le site de l'émission, nous dit « Pensez-vous que les super centenaires en bonne santé dont vous avez parlé, qui ont certes dû s'adapter à de rudes conditions de vie, mais qui sont peut-être, en tout cas, ont vécu dans des environnements calmes, vieilliraient aussi longtemps aujourd'hui avec la compétition rude ?» Et le stress qui découle de nos sociétés actuelles. Ben non, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Si on prend les super centenaires et qu'on les met dans un autre environnement, ils ne vieilliront pas aussi longtemps, probablement. Probablement. Ça, c'est une très bonne question, un très bon commentaire. Il s'agit pour nous à décider combien on veut avoir le respect pour notre propre biologie, pour comprendre notre comportement, pour décider, est-ce qu'on veut décider ce qu'on veut de notre vie, ou bien on se laisse pousser dans le dos de courir beaucoup plus vite de ce qu'on a envie de courir, parce que il y a une économie, il y a des finances, il y a d'autres évolutions, d'autres systèmes qui nous poussent. Moi, je suis extrêmement irrité, personnellement, qu'on me pousse, je veux courir ou marcher à la vitesse que moi je considère optimale pour moi. Oui. Et je n'ai pas envie de me faire pousser dans le dos et de me casser la gueule parce que on me pousse à courir plus vite. Mais tout ça, ce n'est pas du tout de la biologie. C'est vraiment de la culture, de la politique, etc. Sur quoi on devait probablement. Et puis ce sont tout simplement des questions d'éthique aussi, concernant la condition humaine et la façon dont on a envie aussi d'évoluer dans l'avenir qui est le nôtre. Hein. Ouais. Cette obsession finalement du vieillissement, Miroslav Radman, c'est venu à partir de quand chez vous? Parce que vous racontez votre parcours, de vos débuts justement, de votre enfance sur cette petite île croate, donc là aussi dans des conditions tout à fait particulières. Et puis ensuite, quand à l'âge de 14 ans, il a fallu partir à Split, et vos études ensuite en biologie. Mais à partir de quel moment vraiment cette question du vieillissement vous a titillé à ce point? Très très tard, c'était après avoir choisi d'explorer comment se fait-il que cette bactérie Deinococcus radiodurans peut survivre à 1 million de rades d'irradiation, ou on peut la tenir desséchée pendant des décennies, on peut la trouver brûlée par le soleil dans le sable des Sahara, et donc elle est capable quasi de la résurrection. Son ADN est amoché. Elle n'est pas en bonne forme du tout. Elle n'aime pas ce qui lui arrive dans la stratosphère ou sur le sable de Sahara ou de se faire irradier. Mais elle a la capacité quasi de résurrection. Et ça m'a intéressé d'où vient la robustesse, une telle robustesse de la vie quand il s'agit de même protéines, des mêmes ADN, etc. Et une fois qu'on s'est rendu compte qu'il s'agit surtout d'un investissement biologique dans les molécules de protection des protéines contre oxydation, j'ai commencé à lire sur le vieillissement et j'ai vu que déjà certaines, comme Stadman, avaient mesuré chez les gens de fibroblastes de la peau qu'avec l'âge, ça augmente exponentiellement, comme le risque. Et donc, c'est là où je suis passé des études de radiation à l'étude du vieillissement. Et ça donne aujourd'hui ce code de l'immortalité chez Humaine Science. Je fais le plein d'essence. je pense aux vacances. Je fais la gueule et je suis pas le seul. Le ciel est gris, les gens aigris. Je suis pressé, je suis stressé. J'aime plus Paris. On court partout, ça m'ennuie. Je vois trop de gens. Je me fous de leur vie. Et j'ai pas le temps. Je suis si bien dans mon lit. Prépare une arche de la Noé. Tu vois bien, on veut se barrer. Même plaqué or, Paris est mort. Il est 5 heures, Paris s'endort. Je sens, j'étouffe, je manque de souffle. Je suis tout pâle sur un petit bout. J'aime plus Paris. Non mais on se prend pour qui? Je veux voir personne. Couper mon téléphone. Vivre comme les nonnes. Je parle pas de John. J'aime plus Paris. Passer le périph, de pauvres airs n'ont pas le bon goût d'être millionnaire pour ces parias. La ville lumière, c'est tout au bout du RER. Y'a plus de Titi, mais des minets. Paris sous cloche, ça me gavroche. Il est fini, le Paris d'Audiard. Venez aujourd'hui voir celui des diables. J'aime plus Paris. Non mais on se prend pour qui? Je vois trop de gens. Je me fous de leur vie. J'ai pas le temps. Je suis si bien dans mon lit. J'irais bien voir la mer. Écouter les gens se taire. J'irais bien boire une bière. Faire le tour de la terre. J'aime plus Paris. Non mais on se prend pour qui? Je vois trop de gens. Je me fous de leur vie. J'ai pas le temps. Je suis si bien dans mon lit. Pourtant Paris, c'est toute ma vie. C'est la plus belle. J'en fais le pari. Il n'y a qu'elle. C'est bien l'ennui. J'aime plus Paris. J'aime plus Paris, c'était Thomas Dutronc. La tête au carré, Mathieu Vidard. Miroslav Radman, le code de l'immortalité, donc c'est chez Humaine Science, livre qui raconte autant votre parcours que vos recherches donc autour du vieillissement en bonne santé, des clés de la longévité et donc de ce travail de chercheur moléculaire. Quand est-ce que finalement on vous invitera ici derrière ce micro avec la potion vraiment qui va nous permettre de vivre en bonne santé et pour tout le monde sans discrimination aucune? Est-ce que c'est vous ou vos étudiants qui pourront venir faire cette annonce? Oh, j'aimerais bien que ça soit moi, mais je crains que ça soit mes étudiants. Peut-être pour la crème qu'on peut mettre sur la peau. Mm-hmm. Oui, j'espère que ça, je verrai au moins sur les autres les effets. Ce que vous êtes en train de mettre au point. Hein. Oh, très clairement, ça, avec nos des bactéries. Voilà. À Aix-en-Provence, c'est ça. Pour la potion ou pour une injection, il faut passer les essais cliniques et démontrer que quelqu'un va vivre 100 ans plutôt que 70 ou 80. Ben c'est compliqué ça sur prend un du humain. Temps. Oui. Et alors, j'aurais dû avoir cette potion avant de faire les recherches là-dessus. Ouais. Mais alors, ça veut dire que vous êtes déjà passé sur l'animal pour justement voir si ça fonctionne ou pas. Sur les cellules, même cellules humaines en culture. Ouais. On prend les cellules des vieillards, de 100 ans ou de 90 ans. Et ça, on a déjà vu. Et sur les petits animaux, sur la mouche, sur le nématode. Les vers. Les vers, nématode, voilà. Et sur la mouche, on a on a l'effet. Ouais. Donc là c'était pratique parce que ces animaux vivent très peu longtemps, donc on peut avoir des générations entières qui se succèdent pour voir vraiment si ça fonctionne. Seulement on va dire, mais ce n'est pas humain. Montre-moi que ça va agir pour moi. Ouais. Et là, mais les vers, par exemple, vous arrivez à les faire vivre combien de temps en plus alors avec ces méthodes? Cette molécule augmente de 50% à peu près. Ah oui, quand même. Là, oui. Et c'est une seule. On va rajouter encore. Mmh. On va devoir prendre d'autres. Parce que dans la réalité de ces bactéries, comme Arthrobacter et Deinococcus, il y a un cocktail. Il n'y a aucune qui est vraiment grand champion. Mais on a trouvé une sur laquelle on a parié. Et là, déjà, c'est vraiment très, très bien. Ouais. Et si on rajoute les autres, peut-être le résultat sera encore plus impressionnant, mais pour une prise systémique, donc comme potion, les essais cliniques vont durer au moins 20 ans. Mais ils ont commencé déjà sur l'humain ou pas? Vous avez déjà eu des autorisations pour le faire? Sur la peau. Oui, peau, et c'est pas nous, mais les professionnels qui le font. Mais pour le reste, ça doit être acheté par les grands pharma qui a la seule d'avoir l'argent des centaines de millions. Oui, pour mener à bien, ça coûte très des centaines de millions, un milliard facilement. Qui coûtent les essais cliniques pour chaque nouveau médicament. Donc, en attendant, vous poursuivez donc les recherches avec cet Institut méditerranéen des sciences de la vie, à Split, en Croatie. Hein. Vous dites c'est un peu la Villa Médicis. Hein. C'est un espèce d'endroit comme ça. Pourquoi vous auriez pu faire les mêmes recherches ici en France, Miroslav Raman, ou pas? Et c'est la raison pour laquelle vous êtes reparti en Croatie? Ma raison a été de m'éloigner de ce qu'on appelle le mainstream, l'establishment scientifique, de faire les choses un peu, qu'on dit, undercover ou underground. Parce que c'est très difficile d'être différent ou obtenir le soutien pour des recherches qui ne ressemblent pas à des recherches des autres. Mmh. Or, j'étais convaincu que le demi-siècle de recherche sur ces maladies, que ils étaient inadéquats, qui sont toujours inadéquats. On connaît des millions de détails que personne ne comprend. Mais alors ça, vous balayez d'un revers de manche. Faire autrement. Vous balayez d'un revers de manche 50 années de recherche médicale. L'utilité pour les maladies. Ça veut dire ce qu'on a appris. Ça, c'est plutôt de la science fondamentale. Comment en détail marche la vie. Mais ça n'a rien à voir avec le problème de la prévention ni guérison de ces maladies. Or, l'argent a été donné pour ça. Ça, c'est mon point de vue. Et donc, la raison est que il est plus facile, ça s'appelle l'effet fondateur en génétique, dans les mouvements, dans des arts, dans la science, si on veut faire des choses autrement, et ne pas se faire critiquer et gêner, mieux vaut pour un certain temps s'isoler. Oui. Mieux vaut s'isoler pour un certain temps. Et donc, moi, je me suis isolé à Split. Dans un endroit de rêve. Je suis très content demain. Un endroit de rêve. Évidemment. C'est vrai. Tant qu'à faire, autant choisir. C'est tellement, tellement beau. Un endroit plutôt. On souffre plutôt pas, grave. Voilà. Ouais. Avec vos étudiants, évidemment, vos collègues chercheurs, il y a cette phrase d'Einstein dans votre livre. Le mental intuitif est un don sacré et le mental rationnel est un serviteur fidèle. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et a oublié le don. Et vous insistez sur l'intuition, justement, et sur la liberté du chercheur. Tout à fait. C'est votre façon de faire, vous. On fait tout contre l'avis du père de la recherche utile appliquée, Louis Pasteur. Louis Pasteur a dit qu'il n'y a pas de la science appliquée, il y a l'application de la science. Vous citez cette phrase également dans votre ouvrage. Ça s'appelle le code de l'immortalité pour découvrir à la fois la Yougoslavie communiste et puis aussi le parcours d'un chercheur. C'est vrai qu'on a oublié ce qu'était aussi la Yougoslavie à cette époque. Oui. Merci beaucoup en tout cas Miroslav Raman. Ce livre paraît chez Humaine Science. Merci beaucoup d'être venu dans La Tête au Carré. Merci beaucoup Mathieu pour votre intérêt. La science grand format. En partenariat avec France 5. Et ce soir, 20h50 sur France 5, Nazca, les lignes qui parlaient au ciel, un documentaire que vous avez réalisé, Jean-Baptiste Erika. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en ligne avec nous et le plus simple finalement pour commencer notre discussion, eh bien, c'est d'écouter le tout début de ce documentaire à voir ce soir. Les géoglyphes Nazca au Pérou. Ces fabuleux vestiges d'une civilisation depuis longtemps disparue ont traversé le temps sans jamais livrer tous leurs secrets. Il y a plus de 2000 ans, des hommes ont tracé dans la pampa des lignes géométriques, de gigantesques dessins et bâti des cités monumentales. Qui étaient-ils ? À qui s'adressaient ces figures énigmatiques, visibles du ciel ? Et quelle était leur fonction ? Jean-Baptiste Erika, au sud du Pérou, donc se trouvent ces milliers de géoglyphes. On en a beaucoup entendu parler, et quand on était petit, même avec ces histoires d'extraterrestres. De quoi il s'agit exactement, alors ? En fait, il y a eu beaucoup de théories différentes, hein, les extraterrestres, les cartes du ciel. Nous, on a pris le parti pris de vraiment... toutes ces théories n'ont pas été démontrées, donc on a pris le parti pris de ne pas parler de ces théories-là et de vraiment parler des dernières recherches, des dernières découvertes. Voilà. Alors, avec des archéologues, hein, qui sont sur place, et alors qu'est-ce qu'ils font justement ? Qu'est-ce qu'ils recherchent avec ces géoglyphes ? En fait, c'est arriver à savoir à quoi servaient ces géoglyphes, quelles étaient leurs fonctions. En fait, on s'est rendu compte que les géoglyphes, bon, on parle beaucoup des Nazca, mais on se rend compte qu'il y avait une civilisation qui l'a précédée, qui s'appelait Paracas, et qui déjà construisait ces lignes. Donc, en fait, il y a eu différentes fonctions qui ont évolué au fil du temps. Bon, les lignes donc apparaissent avec les Paracas un peu genre 800 avant notre ère. À cette époque-là, elle servait plus de voie de communication qui permettait de relier différents points dans la pampa. C'est un peu comme un GPS. Ah oui, hein, c'est ça. Un repère visuel dans l'immensité de la pampa. Il y a aussi d'autres archéologues comme Charles Stanish, américain, qui lui travaille aussi sur ces zones Paracas et qui a constaté que ces lignes convergeaient vers des zones d'échange et qu'elles agissaient un peu comme des panneaux de signalisation pour attirer les populations qui venaient de la montagne ou des zones côtières, comme un peu des panneaux publicitaires qui diraient « Venez chez nous, venez échanger vos biens, venez rencontrer une épouse, un mari. Ouais. » Après, bon, plus tard, avec les Nazca, on se rend compte qu'elles servaient plus à des pèlerinages, à des cérémonies rituelles sur lesquelles on dansait, on brisait des céramiques. Et elles servaient aussi à des gens qui n'avaient pas forcément accès au site cérémoniel de Kawachi. Alors Jean-Baptiste, Il faut savoir que chaque communauté pouvait posséder sa petite figure, un peu comme chez nous, une église dans un village, et pouvait procéder à ses propres cérémonies. Sauf que certaines sont absolument gigantesques, avec des formes de colibris ou de singes. Par exemple, il y a des animaux très particuliers qui sont représentés et vénérés d'ailleurs aussi. Hein. Le colibri, en fait, il représente un peu la résurrection de la pampa, c'est-à-dire que le colibri, par exemple, a cette faculté de pouvoir faire le mort s'il sent un danger et de revenir à la vie. Donc, c'est un peu une image de pour invoquer la pluie, pour invoquer le fait que la pluie peut redonner la vie à la pampa. Donc tout est très très lié à l'eau dans cette zone très très aride en fait. Hein. Avec ces géoglyphes qui n'ont pas tous été découverts, il y en a encore. C'est absolument fabuleux qu'ils aient pu d'ailleurs traverser des siècles entiers et rester quasiment intacts. C'est ce qu'on verra ce soir, documentaire époustouflant sur France 5. Ça s'appelle Nazca, les lignes qui parlaient au ciel et vous l'avez réalisé, Jean-Baptiste Erika. Merci beaucoup d'être passé par La Tête au Carré. Merci. À bientôt.